De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, on en a souvent besoin au quotidien et grâce à Noémie, eh bien, ça nous aide chaque semaine à mieux communiquer avec les autres, surtout quand on a des émotions à faire passer. C'est ce que tu vas nous aider aujourd'hui à faire avec la graduation dans les émotions. Tu vas nous parler de la colère, n'est-ce pas Noémie ? Oui, les émotions c'est vraiment un truc central, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé et je me dis que dans mes ateliers, mes formations, mes accompagnements, j'insiste toujours sur le fait d'enrichir son vocabulaire dans le domaine émotionnel. Donc aujourd'hui, je te propose de me dire au moins 5 façons que tu as d'exprimer ta colère. Comment tu dis que tu es en colère ? Alors, en restant poli, on va dire je vais être furieux, ouais, par exemple. Ouais. Je vais être énervé, agacé. Ouais. Il y a exaspéré, ouais, aussi. Ça fait déjà pas mal, non ? Ouais, c'est pas mal. Hein. Si tu es un petit peu en colère, comment tu le dis ? Oh, juste agacé. Agacé ? Ouais, okay. Agacé. Ok, ça nous en fait 4. J'ai furieux, énervé, agacé, exaspéré. C'est ça que tu as dit ? Ouais. Donc, celui qui est le moins fort, c'est agacé ? Ouais. D'accord. Mm. Et donc, et après, tu mettrais quoi ? Il y a furieux, énervé, exaspéré ? Énervé, ce serait peut-être juste après agacé. Ouais. Furieux, exaspéré, ce serait les plus forts. Ouais. Bah, tu vois, c'est intéressant de clarifier ça parce qu'il y a des gens, ils vont utiliser le mot agacé quand c'est déjà dans le rouge pour eux. Moi, souvent, je fais dans les ateliers, on a des petites étiquettes et on les met sur un thermomètre et on est globalement dans la zone verte, globalement dans la zone orange, globalement dans la zone rouge. Mmh. Et en fait, se rendre compte déjà que c'est intéressant d'avoir plein de mots pour exprimer ses émotions, ça va être très clarifiant pour soi. Bah non, je suis pas exaspérée en fait. Ça va. Si quelqu'un il dit en écoute empathique, t'es exaspérée, Yves. Ah non, je suis plutôt agacée. Mmh. Clarifier ça, c'est très apaisant. Et puis il y a le fait aussi de clarifier les choses pour l'autre. Hein. C'est-à-dire que si tu viens de dire que t'es agacé parce que ton café il vient de tomber. Il y a quelqu'un qui va dire « Oh là là, il est agacé, il ne faut pas s'approcher de Yves aujourd'hui. » Qu'est-ce que ça veut dire agacé pour toi ? Ça veut dire en fait du 1 sur 4, tu vois, en termes d'intensité, tu oui, viens de me dire. Oui, c'est plutôt 1, quoi. C'est voilà. Pas, on en est loin. Donc de temps en temps, c'est bien de dire à l'autre « En fait, pour moi, ça veut dire que je suis à 1 sur 5 ou 1 sur 10 » parce qu'on peut voir des fois qu'il y a un décalage de réaction. Et donc, avec les enfants, très tôt, c'est super intéressant de leur faire montrer « t'es triste ?» D'accord, mais t'es triste comment ? Tu peux me montrer sur ton corps ? Est-ce que c'est tout en bas, un peu vers les pieds ? Ou c'est jusqu'à la tête ? Est-ce que c'est jusqu'aux épaules ? De temps en temps, faire ce petit jeu de la météo du moment. Mmh. Ah oui, t'es triste comme ça. Et maintenant, t'es triste comment ? Après avoir fait cette activité, est-ce que tu as encore un peu de tristesse ? Ou après qu'on ait discuté, elle en est où ta tristesse ? Et nous, ça peut nous permettre aussi de voir l'effet qu'on a sur cette personne, une fois qu'on a discuté ou quand on a fait telle action. C'est très utile sur les enfants parce que ça permet vraiment de mettre une valeur sur les mots aussi. De clarifier le vocabulaire parce que des fois, il y a des mots qui sont déviés dans leur sens, dans l'usage commun. Et en fait, ça peut vouloir dire que des choses très intenses si on regarde dans le dictionnaire ou inversement. Ou il y en a d'autres qui sont plus neutres, comme « je suis déçu ». Dans le domaine de la tristesse, ben, chez certains, dans les ateliers, il y en a qui me disent, moi, quand je dis je suis déçu, c'est vraiment que je suis hyper déçu. Hein. Si je prononce le mot-là, c'est qu'on a atteint un stade de 8 à 10 sur 10, quoi. Et ça, c'est intéressant de le savoir déjà pour sa connaissance de soi et aussi, ben, pour redonner des informations aux autres. Donc, je vous invite à élargir un maximum votre vocabulaire autour d'une émotion. Donc là, aujourd'hui, on vous a parlé de la colère et une autre fois, on s'amusera à trouver plein de façons de dire sa tristesse, sa joie. Eh ben, je suis très heureux que tu nous aies fait cette chronique aujourd'hui. Merci. De quoi tu nous parleras la semaine prochaine, dis-moi. Alors la semaine prochaine, je vais vous parler des violences éducatives ordinaires parce que le 30 avril, ce sera la journée mondiale des violences éducatives ordinaires et que c'est un terme qui mérite d'être un petit peu explicité et puis démocratisé. Merci Noémie. On rappelle que tes chroniques sont en écoute en podcast. On peut toutes les retrouver sur le site, sur ton site internet, Les Outils de Noémie, ouais, sur le site de la radio, fadjet.net et sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Voilà, tu es partout. On fait ce qu'on peut. À la semaine prochaine. Oui, au revoir. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.